Ah, de Gérard. Bonsoir à tous, bonsoir Rigo, bonsoir Fildar, bonsoir, et bonsoir Manu, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, donc bien sûr à la petite biquette. Donc débat sur les grandes vacances, et pour ça on va accueillir Plage. Quoi ? Plage, pour ça on accueille Plage qui pue, 25 ans de Paris, on écoute Fun Radio sur 101.9, bonsoir à toi. Bonsoir Paris, bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir Rigo, bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Petit short, 23 ans de Limoges, 96, 3 FM sur Limoges, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir la France, bonsoir tout le monde, bonsoir l'auditrice. Bonsoir. Grosse tente, 26 ans, Bordeaux, 105, Touron. Oui, bonsoir GG, bonsoir la Dream Tease, bonsoir. Bonsoir. Salut. Petit short. Oui. Non, c'est pas... Non, parasol. Parasol, oui. Bonsoir et à tous. Parasol pour terminer, 25 ans de Blois, 102.3, bonsoir. Tout à fait, bonsoir Gérard. Bonsoir Parasol. Bonsoir Parasol. Grosse tente. Oui. Il y a une... C'est qui la nana, c'est... Qu'est-ce qui pue. Ouais, ben tu commences à être poli, toi, parce que sinon, ça va mal. Je m'excuse, je dis bonsoir. Ouais, mais tu vas être poli, et c'est tout, d'accord ? Ah, pas de problème, je suis toujours poli. Celui qui s'amuse à dire tantouze, arrête aussi, parce que sinon, la tantouze, il va dégager au standard. D'accord ? On va pas commencer. Alors, le débat, c'est sur les grandes vacances. Et première question, quelle est la meilleure saison pour partir en vacances et pourquoi ? Et on demande à Place qui pue. Meilleure saison, c'est en hiver. Tu peux préciser ? Oui, bien sûr. Parce, tu vas sur les plages en hiver, il n'y a personne. T'as tout l'espace pour toi, t'as toute la mer, t'as tout ce qu'il faut, personne t'emmerde. Ouais, mais je pense que l'hiver, c'est pas trop recommandé. Pourquoi ? Non, mais on verra après par la suite. Hein. Petit sport. Petit short, pardon. Ouais, écoute, moi, je pense que la meilleure saison, ça serait l'automne. Mm-hmm. Parce que bon, t'as les feuilles qui tombent déjà, donc ça c'est un inconvénient en moins. Je crois que pour passer de bonnes vacances, c'est un avantage et c'est plutôt pratique, quoi. Ok. Ouais, grosse tente. Ouais, écoute, moi je dirais tout simplement l'évidence, hein, pendant les vacances, c'est quand même vachement plus facile de prendre ses vacances quand tu taffes pas quand même, quoi. T'es pas con, toi. Eh ouais. Place qui pue. Tu commences à te calmer parce que sinon tu vas aller faire dodo. Excuse-moi, mais je trouvais vraiment qu'il était pas con, donc je. Non, mais de toute manière, t'as pas besoin d'interrompre les gens quand ils parlent. D'accord ? Oui, oui. Ok, donc grosse tente, t'as répondu toi. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Parasol. Oui, moi je trouve que c'est l'été, que c'est mieux, il fait chaud, les filles sont belles, elles se vêtissent de bikini, donc ça serait plus dur en hiver ou en automne, où il fait plus froid. C'est pas la saison des 106. Non, mais ça on s'en fout, c'est pas la peine, c'est pas la peine de préciser les numéros. Marques, pardon, c'est vrai. D'accord, Manu. C'est vrai, Manu, tu vas manger. La on se calme, s'il vous plaît. Merci. Donc, sur IRC, il y a énormément de monde, on salue tout le monde, et il y a Chilo Manson qui te demande pourquoi tu fais un débat sur les vacances alors que ça vient de finir. Pourquoi ? Parce que je fais un débat sur les vacances malgré qu'elles soient terminées. Il y en a encore qui y sont, qui partent encore en vacances hors saison. Mm-hmm. Donc quelle est la meilleure saison pour partir en vacances et pourquoi ? Donc tout le monde avait répondu, la meilleure saison c'est après, parce que pendant les juillet, août, c'est là où il y a trop de monde, donc tu peux pas te baigner comme tu veux parce que toutes les plages sont archi-combles et tu as trop de monde sur les routes. Donc la meilleure saison, c'est... C'est sûr que quand il n'y a pas un pélo, on s'amuse plus. Ouais, mais le mieux, c'est de partir hors saison, c'est-à-dire septembre, octobre. Banana, encore septembre, octobre, il peut encore bon. Hein. Tu pars en septembre, toi, GG Non, moi je pars... Tu peux partir toute l'année, toi. Moi, je pars toute l'année en vacances. T'es parti, toi, cette année, non ? Non. Je sais pas, t'as fait quoi toi ? Si, moi on m'a dit qu'il t'avait vu sur les plages du Touquet. Non, j'y ai pas été. Non, donc, tout con. Ouais, mais toi tout con, toi tais-toi là-bas. Et t'éteins ton micro, s'il te plaît, merci. Des voyages touristiques au relais Carnot ? Le relais Carnot, place qui pue, il t'emmerde. D'accord ? Alors, je te signale, c'est la dernière fois que tu t'amuses à dire une connerie comme ça, sinon tu vas gerber avant la fin du débat. D'accord. On est bien clair là-dessus. D'accord. Alors, tiens-toi à tes gardes. Alors, seconde question. Merci de m'aider. Tiens trois droits, on t'a dit. Encore une fois, et tu retournes voir Fildar, parce que je sens que tu n'as pas terminé le standard, le débat comme ça. Tu vas retourner au standard avant la fin. Avant. Elle est franchement relou. Bon. Oui. Sur IRC, il y a Yankee qui me dit qu'il t'a vu en vacances en Normandie. Tu faisais du nudisme dans un pré près d'une vache à lait. Non, ça m'étonnerait. C'était pas une vache à lait. Ça m'étonnerait. Deuxième question. Quel sport peut-on faire pendant les vacances ? On va demander à Plage qui pue, comme ça, elle va se calmer après. Ouais. Eh ben, tu pars, tu peux aller à la mer, tu peux aller à la montagne. Quel sport peut-on faire pendant les vacances? Tu peux faire du ski si t'es à la montagne, du ski nautique si t'es à la mer, tu peux faire plein de sports, tu peux faire tous les sports en fait. Tu peux. Mmh. Mmh. D'accord. Même les sports de pédale, en vacances, t'as tout, t'as droit. Ah, mais c'est trop perso après. Ouais, ouais. Perso, ouais. J'ai pas le droit d'en parler non plus. Voilà. Ouais. Petit short. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la fille, la charmante demoiselle que tu viens de parler. Une place qui pue, ouais. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. On peut faire tous les sports, mais il faut pas en trop parler parce qu'après, bon. Bah, non, si, c'est. Écoutez, on est sur écouter. Bon. Non, mais même, de toute manière. Ouais, c'est... mais bon, il y a des agences de voyage qui nous écoutent et bon, ça ne ferait pas trop plaisir. Mais alors, mais de toute manière, les débats sont là pour. On est là pour dire ce qu'on pense, c'est tout. Bah non, mais comme moi, quand je dis ce que je pense, tu me vires, alors... Non, mais attends, toi, c'est à chaque fois que tu veux dire quelque chose, c'est pour dire des conneries. Donc pas, ça ouais. Bah, bah si, depuis tout à l'heure, tu t'amuses à dire des trucs qui tiennent à moitié debout. Bah non, j'ai jamais dit que la grosse vache était samedi, hein. Bon, bah alors, au revoir, tiens. Elle l'a pas dit. Non, non, mais elle l'a pas dit, elle vient de le penser. Alors, place qui pue, tu lui dis au revoir. Allez, terminé, tu lui dis au revoir. Comme ça, c'est déjà parti pour... On est déjà même pas à la moitié des questions que ça commence à partir sec. Elle donne pas de lait, Sandy. Grosse tente. Bah écoute, moi je suis spécialisé dans le farniente quand même. C'est quoi ça? Donc boule et Ricard. Ouais, donc, quel est le sport qu'on peut pratiquer pendant les vacances? Tu veux dire la pétanque? Ouais, bien sûr. Moi j'éclate du cochonnet tout l'été, moi. D'accord. Et parasol? Il y a beaucoup de sports. Il y a le jet ski sur la plage. Il y a le jet 27. Le Jet 27, non, c'est un alcool, ça. Ouais. Essayez de bien répondre aux questions, quand même. Ah, pardon. Ouais, laissez-le parler, s'il vous plaît, merci. Le jet ski, il y a le surf aussi. Mm-hmm. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le parapente sur les falaises. Ouais. Ça peut être dangereux, ça. Ouais, ouais, mais ça, c'est dangereux, quand même. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Gérard, ouais, t'as pratiqué déjà un sport comme ça, genre jet ski, surf? Parapente, je crois. Non, parce que non. T'as quand même la gueule du surfeur type, quoi. Ouais, bah toi, qu'est-ce que... Attendez, avant que je réponde. Toi, qu'est-ce que t'as pratiqué pendant les vacances? Moi? Le sport? Moi, j'ai fait du parapente, du sport à l'élastique, du surf. Ouais, t'as une tête à faire du surf. Ouais, mais ouais, je te jure. C'est ça. Des copies d'Hawaïens. Et toi, Fildar? Moi, j'ai fait pas mal de sport, Gérard. Toi, t'as fait du sport à trois, d'accord, on a compris. Non, tu gangbang, alors. Non, ce qu'il y a, c'est que... c'est vrai, il y a du... Le jet-ski, le parapente, la... Du lance-ski aussi, il y a le jet-ski. Il y a la pète... Le jet-ski, en fait, c'est ça? Il y a la... On peut pratiquer la pétanque, du volet de... La pêche ouais, au gros. De tout. La pêche au gros, ouais. De tout. Ouais. Alors, il y a du jet éponge aussi. Un petit sondage. Stop. Préférez-vous les grands? Bah non, il n'y a même pas de... Tu peux faire un petit sondage quand même, c'est pas grave. Bon, alors, préférez-vous les grandes vacances ou les petites vacances? Alors, 45% des gens aiment quand c'est long, mais pas trop court, ça c'est vrai, mais ça dépend des gens quand ils veulent partir. 24% des gens aiment quand c'est court, mais pas trop long. Alors ça, ça n'a ni queue ni tête, ça veut rien dire, c'est deux fois les mêmes. Hein. Et 17% n'ont jamais de vacances. Et cette question les a déprimés. Quoi? Cette question les a déprimés, d'accord. Ok, on a tout compris. Gérard, quand tu dis, là, par rapport au sondage, on a que... Quoi, c'est quoi? Plus c'est long, moins c'est court. Ouais. Bah ouais, mais c'est deux fois la même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a combien par an droit de vacances? Normalement, ouais. T'as le droit à un mois, ça dépend. Non, cinq semaines. Non, c'est quatre semaines. Ah ouais. T'as quatre semaines en été et une semaine en hiver, ça dépend. Tu peux pas changer, t'es obligé de faire comme ça. Non, tu peux prendre très bien deux semaines en été et deux semaines en hiver. Mais ce qu'il y a, si tu prends deux semaines en été, tu pars du 1er au 15 ou du 15 au 31, mais ça va être trop court. Mais tu peux pas partir du 11 au 20, par exemple. Ça, c'est toi qui décides quand tu veux partir. Oui, question. Il y avait quelque chose sur le Minitel 3615 Code Fun Radio. Il y a Kiyou qui te demande si tu pouvais partir en vacances et plus jamais revenir, ça lui ferait bien plaisir. Ah, ouais. Ouais, bah ça, c'est de toute manière, si ça leur plaît pas, bah dans ces cas-là, ils font une chose, ils écrivent directement à la direction de Fun Radio, c'est-à-dire à Axel Duroux, pour lui dire qu'ils en ont marre de m'entendre et c'est tout. Et d'autre part, je salue Mimi Pousse et je trompe fait que j'embrasse sur l'IRC. Ouais, ben ça, on salue tous les gens de l'IRC qui nous écoutent. Oui, Fildar. Oui, Gérard, à la place de Plage qui pue que tu as viré, nous accueillons la Touquette qui appelle du Touquet 107.3 FM. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir Philippe. Bonsoir. 107 combien? Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. 107.3. 107.3, ok. Salut Bistouquette. Moi, j'aurais aimé savoir, Gérard, t'avais droit à combien de semaines là avec ton contrat de... C'est qui pose des questions? C'est le parasol. Ouais, mais ça, de manière, ça regarde pas les gens, donc je suis... Non, mais tu pourrais le dire quand même. Non, mais ça regarde pas les gens. Ah, d'accord. Ah. Ça ne regarde pas les gens, et celui qui a dit, avec les histoires de tickets de restaurant, je voudrais bien savoir qui c'est qui s'amuse à dire ça, parce que ça vous regarde pas non plus que je touche. Est-ce qu'on peut les payer à crédit, ces vacances? Ben justement, ça, on verra bien. Ah, bon. À votre avis, ben tiens, juste, à votre avis, combien... À votre avis, combien faut-il mettre d'argent de côté pour partir en vacances? On va demander ça à Parasol. Bah, ça dépend. Attends, Parasol. Touquette, tu veux répondre à la deuxième question? Non. Non, pourquoi? Bah, parce que... Alors, Touquette, c'est où tu... Hey, attendez, s'il vous plaît, derrière. Touquette, c'est où tu réponds aux questions correctement, oui, ou tu girbes? Mais c'était quoi la question, Gérard? Parce que moi, quel sport peut-on faire pendant les vacances? Et ça, faudra que, Fildard, quand tu prends les auditeurs, tu leur dises la question, parce que je ne répète plus les questions. Pourquoi pas? Depuis la semaine dernière, j'ai dit que j'arrêtais de les répéter sans arrêt. C'est parce pas que ton boulot, Fildard. On perd trop de temps. Donc, Touquette. Quel sport? Oh, s'il vous plaît, vous me laissez lui poser la question. La classe. Quel sport peut-on faire pendant les vacances? Du tennis. Ben ça, c'est tennis et badminton, c'est pareil. On a pas. Ah non, le badminton, non. Badminton, tu peux pas faire du badminton pendant les vacances? Moi, je peux pas. C'est quoi le badminton? Je peux pas t'en parler. Bon, alors, Touquette. Oh, c'est perso. Là, Touquette. Non, mais faut se dire une chose, que si tu t'amuses à reprendre le même thème de la nana que j'ai eu mercredi pour les conseils, tu vas gerber aussi, toi. Je sais pas, j'ai pas écouté, donc... Ouais, non, mais moi, je te conseille que si t'as des problèmes pour répondre aux questions, c'est même pas la peine qu'on se choisisse. T'es une connasse. Ok. Toi, t'as une tête à faire du beach volley, toi. Alors, le badminton, qui c'est qui m'a demandé? Bah, moi, c'était... Gérard, c'est quoi, badminton? Ouais. Alors, le badminton, c'est deux raquettes avec un volant. Et t'as deux joueurs, t'as... Un volant de voiture. Il y a des pédales aussi. C'est non, il y a pas des pédales. Si, il y a aussi le pédalo aussi. On peut faire du pédalo pendant les vacances. Le badminton, c'est avec un volant et deux personnes qui jouent. Et ils s'envoient le volant sans arrêt. Je comprends pas le volant. Si, le volant, c'est un c'est du frisbee, avec, alors. C'est du frisbee. Je sais pas comment qu'ils se surnomment ça, mais ça s'appelle du badminton. Oui. Moi, j'aimerais, pour en revenir à l'IRC, j'ai oublié tout à l'heure de saluer mon pote Sébastien. Et sinon, il y a Destroy qui te demande, tout à l'heure, tu parlais de leur saison. Oui. Mais qu'est-ce que c'est leur saison si c'est ni l'hiver, ni l'été, ni le printemps, ni l'automne? Non, j'ai pas parlé de hors saison. J'ai jamais posé de question. Quelle est la meilleure saison pour partir en vacances et pourquoi? Donc j'ai jamais mis les hors saison là-dedans. T'as jamais mis les pieds dans l'hors saison. Donc à votre avis, combien faut-il mettre d'argent de côté pour partir en vacances? Alors Parasol. Bah, en fait, ça dépend où tu pars. Si tu pars dans les pays du tiers-monde, comme l'Espagne ou le Portugal, ouais, c'est beaucoup. Là, Touquette, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. C'est beaucoup moins cher que si tu pars, par exemple, je sais pas moi, en Allemagne ou aux States. Ou en Russie, quoi. Le niveau de vie est plus élevé. Ça fait. Mais bon, je conseille plutôt de partir en Afrique, quoi. Ouais. Ouais. Combien qu'il faut mettre d'argent de côté pour partir en Afrique? Bah, je sais pas. Est-ce que tu comptes le billet aller-retour d'avion plus la location? Ah non, tu fais du stop. Ah ouais, t'as raison. Bah oui. Ouais, t'es pas prêt d'aller en vacances en Afrique, hein. Gérard, sur Minitel, on me dit qu'un voyage avec toi, c'est 150 francs le tour du bois, c'est vrai? Et sa connerie. Si c'est pour me dire des questions minutales comme ça, c'est même plus la peine, d'accord? C'est pas moi, c'est propre. Alors sur le 3615 4 Fun Radio, rubrique directe, si c'est des questions cons, ce n'est pas la peine de les lire. Et là, Touquette, tu arrêtes de rire comme une bique. Non, parce que tu commences à me les gonfler sérieusement déjà. Pas de problème. Alors, grosse tente. Bah écoute, ouais, ça dépend tout à fait du pays où tu vas. Si tu vas en Russie, bah tu mets des roubles de côté. Ouais, mais ça, tu peux faire des changes avant de partir. Si tu vas en Italie, tu mets des livres de côté. Des lires? Des livres. Des lires? Ah bon, des lires sterling? C'est des lires pour l'Italie. Oh ouais, c'est cool. T'es sûr de ça? Oui, j'en suis sûr, parce que Maxime en a donné. Je sais pas si t'es au courant, mais faudrait peut-être écouter un peu la radio assez souvent. Ah non, mais moi, je débarque, hein, je rentre de vacances. Hein, ouais, non, mais... Courant, hein. Nous, on a repris déjà depuis... Bon, la Touquette, c'est la dernière fois que je te le dis d'arrêter. Non, mais je veux dire, tu peux pas y aller s'il faut savoir lire. Bon. La Touquette, je te préviens, c'est la dernière fois que je te le dis. Tu te calmes ou tu vires. Ouais. Je ne dis rien, j'attends. Ah, les filles, putain, les filles sont sages. Petit short. Si Apolline n'est pas là, faut voir ce qu'on mange. Petit short. Bon, Touquette, dernière fois, d'accord. Bon, allez, tu lui dis au revoir comme ça. Allez, hop, c'était pas moi. Allez, hop. C'était toi, hop. Venu pour elle. Au revoir pour elle. Terminé. Petit short. Oui, tu lui dis au revoir, hein. Oui, petit short, bonsoir. Salut, Touquette. Salut. Salut. Salut Touquette, ouais, en fait. Bon, allez. Alors, si tu veux voyager en Europe, c'est sûr que là, tu vas payer en euros. Bon, c'est pas pour revenir sur le thème de l'euro, mais bon, c'est assez complexe. Mais bon, moi, je crois que, ouais, l'Afrique, c'est plutôt bon esprit parce qu'en fait, bon, c'est sûr que là, bon, tu te pointes avec une valise de billets, genre 100 000 francs à JPS. C'est sûr que là. En plus, tu vas là-bas, tu te chopes des saloperies, là, des malaria, des trucs. Ouais, comme voilà, ça, et là, comme ça, tu repars. Et après, tu reviens et t'es en congé. Voilà. Okay. Non, mais. C'est bon plan. Ouais. Saloperies qui grattent et tout. Mmh. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que pour partir en vacances, tout ça dépend où vous voulez partir et dans quel pays vous voulez aller. Parce que pour se dire une chose, que déjà, entre le billet d'avion pour aller en Martinique, tu peux me les laisser, Manu, hein, ouais. C'est pas la peine de les couper. Laisse-nous. Donc, pour partir dans les pays, ouais. dans les dom-tom, donc c'est vrai qu'il y a le billet d'avion à payer, donc il faut compter l'aller-retour, à part que si vous partiez en agence de voyage, ça vous coûte à peu près 2490 francs à peu près. Pour aller dans le monde. Ouais, non, mais ça dépend où la destination. Du monde, ouais. Déjà pour se dire qu'il y a les locations. Ouais. Donc la location, tout ça dépend pour combien de temps que vous partez. Pour partir en vacances, il faut déjà presque réserver déjà vers la mi-octobre. Ouais, pour être sûr d'avoir quelque chose et ouais, à une condition que ça soit pas des... Voir début novembre. Plutôt mi-décembre, parce que faut se dire une chose. Octobre. Parce que faut se dire une chose, que je sais plus sur quel quand est-ce que ça s'est produit. Il y a des gens qui ont voulu partir en vacances avec une agence de voyage, et en fin de compte, ils sont arrivés sur place et le truc qui avait été proposé en location, eh ben, c'était écroulé, non ? Il y avait rien du tout, c'était carrément faux, et en fin de compte, ils n'ont pas pu passer leurs vacances, ils ont été forcés de revenir l'agence de voyage derrière, au lieu de rembourser, ben, elle avait rien dit. Elle avait mis les clés sur les portes. Manu, Pildar, vous calmez, s'il vous plaît. Ben, Pildar, t'éteins ton micro, tu fais ton boulot au standard. Et j'avais une question à te poser, Gérard. Ouais. Est-ce que t'es déjà parti dans un pays étranger? Non. J'ai pas eu l'occasion de, pour aller voir Godzilla. Mais ça c'est différent. York, ça fait partie de l'Europe, donc on peut pas dire vraiment que c'est étranger, quoi. Ouais, mais pays étranger, New York, c'est quand même. Pays étranger. Ouais, 5 minutes, s'il vous plaît, oui. Il y a Webmaster sur Minitel qui me demande si quand tu pars à la plage, tu achètes une bouée ou si t'en as une perso à la maison. N'importe quoi, lui. Ouais, Rigo. Ouais, sur IRC, on est quand même 7723, ce qui est énorme. Et il y a Florent, il dit que lui, il part à Deauville avec les quarts de vieux. Alors, ça lui coûte rien parce qu'il leur pique leur sac et il va jouer au casino. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, pour moi, c'est un peu dégueulasse de sa part, donc ça sert à rien. Oui. Gérard, donc on accueille une nouvelle auditrice à la place de la Touquette, donc qui est partie. Donc, la grande mode, c'est ça? Non, la canette, excusez-moi. De la Cano, la fréquence c'est 96.4 FM. Bonsoir. Fildar, bonsoir. Oui. Un petit conseil. Bonsoir. Attendez, s'il vous plaît, les auditeurs. Oui. Et un petit conseil que je te donne. Oui. T'amuses pas à leur faire changer de nom, hein, parce que je vois pas beaucoup décrocher le standard. D'accord. J'en ai d'avance, je suis sûr. Ouais. Et donc la fréquence de là-bas. 96.4 FM. 96.4. Okay. À Paris et dans toute l'Île-de-France. C'est ça. Donc, Gérard, oui. Pour l'auditeur qui disait qu'il piquait l'argent aux vieux, là. Ouais, ça c'est sur l'IRC, ouais. Et un truc à faire aussi, c'est leur crever les roues du fauteuil roulant, comme ça ils peuvent pas aller porter plainte à la gendarmerie. C'est qui vient de dire ça? Qui c'est qui vient de dire ça? Leur foutre un coup de massue sur le plâtre. Oh, c'est bon, fou. C'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? Une fois, deux fois, trois fois, pas si j'ai vendu, bravo. Parasol, tu dégages. Non, c'est pas moi, c'est pas lui. Alors c'est qui? Alors il donne... bon, j'ai dégagé, c'est bon. Chut, chut. Non, il donne son nom, il dégage, tu lui dis au revoir, j'aime pas trop qui parle comme ça. C'est Parasol contre le soleil, son nom, contre le soleil. Non, mais tu lui dis au revoir, comme ça, ça y apprendrait de parler. C'est la Touquette qui était encore là. Ouais. Non, non. Alors, Canette. La Canette. Ouais, donc pour toi, alors, la question, tu l'as entendu? Non. Oh non, mais Pildar, oh, tu fais ton boulot, quoi. Mais elle est toute fraîche. T'es payé à quoi foutre, là, à te branler les couilles? Et Pildar, ça va être la dernière. C'est la dernière fois que je te préviens, hein. Encore une connerie comme ça et tu vas virer des studios vite fait, toi. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, parce que là, ça commence à bien faire. Bon, hein. Ça commence à bien faire. Mais regarde-le. Regarde-le, là. Hey, regarde comment tu bosses, il prend même pas d'auditeur. Oui. Ah, arrête tes pieds, au moins. Canette. Oui. Donc, la Canette. Alors, à votre avis, combien faut-il mettre d'argent de côté pour partir en vacances? C'est la dernière fois que je répète les questions. Compris, Pildar? Alors, je t'écoute. À peu près 6000 francs. Mmh. Mais ça dépend d'où tu vas. Ouais. Donc, si tu vas aux États-Unis, tu peux compter 7000. Combien? 7000. Ouais, mais il faut compter aussi le billet d'avion aller-retour. Hein. Ah, mais tout compris, hein. 7000 balles, tu passes des super vacances. Ouais, mais donc, dans ce cas-là, tu passes par une agence de voyage, comme on vient d'expliquer. Évidemment, oui, bien sûr. D'accord. Et si tu vas moins loin, t'en as pour, je sais pas, 6005. Ouais, mais ça, tout ça dépend. Ouais, mais là, après, si tu pars en dehors de Paris, c'est vrai que ça coûte moins cher. Hein. C'est clair, oui. Ouais. Bon, donc, Gégé, tout à l'heure, t'as engueulé. C'est qui? C'est la grosse tente. Ouais. T'as engueulé Parasol parce que tu parlais du stop, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui partent en vacances en faisant du stop. Non, attends, j'ai engueulé Parasol, c'est pas parce que avant, tu lui avais dit de pas parler du stop, et moi je dis qu'il y a quand même des gens qui se mettent le pouce, et il faut en parler de ça, parce que c'est un moyen de... Voilà. Ouais, mais d'accord, mais pendant les vacances, avec le monde qu'il y a sur les routes, je pense pas que les gens ils puissent s'arrêter pour prendre des gens. Non, mais grosse tante, pourquoi que je l'ai engueulé, c'est qu'il a voulu répondre sur la question IRC qui avait été dit. Ouais, donc moi, il parlait des personnes âgées et tout ça. Quand assez de mal avec les caca et tout ça. Quand il a dit comme ça, pour leur crever leur route, leur fauteuil roulant, comme ça ils pourront pas aller à la gendarmerie porter plainte. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, donc je l'ai viré. C'est pour ça. Ok, d'accord. T'as bien fait. Alors, préférez-vous prendre des vacances en France ou à l'étranger? Et on va demander à grosse tante. En France. Hein. Bah, écoute, pas en franc. Ouais, en France. Moi, c'est ce que j'ai dit, en France. T'as dit en franc. Alors, préférez-vous prendre des vacances en France ou à l'étranger? Voilà, Pildar, comme ça, t'es content. Ouais. Gérard, sur IRC, excusez-moi, ils aimeraient bien savoir ce que t'entends par étranger. L'étranger, qui c'est qui s'amuse à faire des conneries comme ça? Merci pour celui qui répond bien, c'est bien. Donc l'étranger, ça veut dire un pays d'outre Dom-Tom. Ah d'accord. Donc ça veut dire Martinique, même voire Canada. Voilà. Donc grosse tente. Grosse tente. Voire même Éthiopie, quoi. Écoute, moi je te disais, je vais plutôt dans les régions. Parce que je pense que le patrimoine régional est déjà suffisamment important et qu'il n'y a pas besoin d'aller voir dans les dom-toms, tu vois. Bah, je crois que c'est clair. Donc je conseille toutes les régions des pays étrangers avant toute chose quand même. Ouais, mais petit short. Moi je suis tout à fait d'accord. Moi je dis que il n'y a pas mieux que de taper deux semaines de vacances dans les Deux-Sèvres. Mmh. Ça t'es tranquille pépère. Mmh. Tu tapes des pastis avec les vieux de la ville. Oh ouais, bah ça, ouais, Limoges, ouais, ouais, ouais, mais c'est à côté, trucs, ouais. Tu peux faire plein de trucs, tu peux discuter avec le curé de l'église, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, mais ton temps, tu vois même pas passer tellement que tu t'amuses. La nature, quoi. Ouais, puis en plus, le temps, il est superbe, la grisaille, excellente. Ouais, mais je pense que cet été, vous avez quand même pas mal de soleil, hein. Avant de continuer, on va faire un jeu de cartes, tiens. Je distribue. Tout à l'heure, je vais te distribuer une baffe. Toi, tu vas voir, ça va te faire tout drôle. Non, à la place de Parasol qu'on a replié. On est tous fans. On est fans. Non, complètement. Attends, starbé. C'est du délire. Yes. Complètement starbé. Bon, donc Parasol est parti. Donc on accueille Moufle de Mer qui appelle de. Je sais plus d'où tu appelles, Moufle. Mouf, tu appelles d'où, s'il te plaît? Mouf de Paris. De Paris. Ah voilà, de Paris, voilà, j'ai oublié la ville. 101.9 FM. Merci, je l'ai déjà dit, Phil. À Brest et à Lille. Bonsoir. C'est ça, à Brest et à Lille, t'as raison. Bonsoir, moufle de mer. Donc, bonsoir. Canette, bonsoir. La bonsoir. Canette. Oui, Gérard. Moi, je suis plus pétropico, Maroc, Afghanistan, des choses comme ça. Mm-hmm. Ouais, mais précise. Comment? Précise un peu. Bah, précise. Bah, tropico, Maroc, terre, eau, pays, c'est eau. Bon, attends, Fildar, tu t'occupes de ton sondard, tu t'occupes pas de ce que je demande aux auditeurs, s'il te plaît, merci. C'était quoi, Fildar? Non, non, mais c'est bon, il voulait s'amuser à préciser tropico, alors que ça n'a rien à voir avec, avec les débats. C'est pas le thème. Ouais, bon, alors, donc, pour toi, c'est ça. Voilà, Maroc, Afghanistan. D'accord. Jamaïque, et Jamaïque. Moufle de mer. Tu peux me répéter la question? J'ai été... Non, je répète pas la question. Il y avait une vague. Alors, je ne répète pas la question. Moi, plus la Côte d'Azur, Saint-Tropez, tout ça. Voilà, ouais. Bourgeois, non, mais... bourgeois. Ah bah, ça, de toute manière, c'est vrai que... C'est bah, on bah toi, grosse tante, t'es parti où, toi, en vacances? Bah écoute, moi, j'ai pas des plans pété thunes, genre Côte d'Azur, tout ça. Moi, je vais tout simplement à Monaco, quoi. Je veux dire, c'est... Non, bah, attends, ouais. Monaco, tu crois... C'est pas en France, hein. C'est vachement plus sobre, hein, moi, je dis. Hein. Ouais, bah, non, mais attends, t'as payé combien, sans indiscrétion, pour aller jusqu'à Monaco? J'ai eu une location de 17 000 francs pour 15 jours. Bah voyons, à part ça, c'est pas... Bungalow avec piscine. Ouais, bah voyons, Il n'y avait même pas de piste d'atterrissage pour l'hélico, je vais dire. Ouais, non, mais hey, tu relais pas non plus en Ferrari là-bas. Ah non, j'avais juste amené la BM, non. Ouais, c'est ça, bien sûr. Prends-moi pour un con. Rigo, ouais, il y avait une question, non? Avant qu'on passe le sondage. Ça va être dur, donc allez. Je préfère pas. Ah bon, d'accord. Non, on se force pas, les mecs, c'est pas allez, possible. Ok, il y a la police qui dit que t'as passé tes vacances en Inde, il paraît, parce que le coton est pas cher. N'importe quoi. Enfin, c'est bien des conneries d'auditeurs sur l'IRC. Et il y a Sperminator qui voulait que tu lui précises si Monaco faisait partie de la principauté d'Andorre. La principauté d'Andorre, c'est l'Espagne, et Monaco, c'est tout. Il n'y a pas de... la principauté d'Andorre, c'est en Espagne, et c'est tout. Et Andorre, c'est 70 balles la cartouche de clope, quand même. Ça, c'est moins cher. Une fois que tu passes les frontières, c'est moins cher. Tu pourrais faire des pipes moins chères, là-bas. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es bien au courant, parce qu'hier soir, au lieu de travailler, t'as maté autre chose. Débat. Ouais. Oui, Rigo. Oui, donc, vu que tu parlais d'Andorre, il y a Steed qui se demandait si ça faisait aussi partie des dom-tom. Non, ça fait partie de l'Espagne, et ça fait pas partie des dom-tom. Les dom-tom, c'est la Martinique. J'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, il ferait mieux de se déboucher les oreilles, celui-là. Avec qui aimeriez-vous partir en vacances? Alors, 62% des gens aimeraient partir avec de l'argent. Bah, ça, de toute manière, il faut de l'argent pour partir en vacances. 24% des gens aimeraient partir avec de l'avance. Ben, s'ils veulent partir avec de l'avance, c'est leur problème. Et 17% aimeraient partir avec leur pote la hyène. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Donc, cinquième question. A-t-on le droit de faire du camping sauvage en vacances? On va demander à Moufle de mer. Ben alors, ça dépend où, hein? Parce que tu peux pas faire du camping partout. Non, mais du camping sauvage. Ah ouais, il y a des endroits sauvages où tu n'as pas le droit de faire du camping, hein, Gérard. Attendez... Ah si. Ah bon, tu crois qu'il y a t'as des trucs sauvages et que t'as pas le droit de faire de camping? Bah ouais. Non mais est-ce que t'as bien compris la question? Ah ouais. Oh non mais je crois pas, hein. Bah si, genre. Ouais, d'accord. Les endroits sauvages, c'est préservé par la nature et tout ça, t'as pas le droit d'y aller, hein. Ouais, grosse... Aïe aïe aïe. Ouais. Aïe aïe aïe. Bon attends, tu laisses parler les auditeurs parce qu'on en a ras-le-bol, toi, là-bas, hein. Grosse tente. Bah écoute, non, moi je suis plutôt camping apprivoisé, classique, hein. Ouais, là où tu vois du monde. Bah bien sûr, là où il y a des filles, mais je voulais te dire d'ailleurs tout à l'heure, je sais pas si t'as remarqué, mais cette année je trouve qu'il y a eu du soleil, comme t'as dit. La cuvée des filles était pas géniale cette année, quoi. J'étais déçu. Ouais. D'accord, ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah, je te disais bonjour. Attends, l'année prochaine. T'es ma boule, toi, hein. T'es un peu Starboy. Y a pas moyen que la communication se fasse autrement. Bon, donc, petit short. Bah écoute, étant donné les effets face données, moi je dirais que tu vois, bon, à partir du moment où tu vas dans une forêt qui est pas, on va dire, entre guillemets, dans une cage, tu vois. Bon, moi, je veux dire, bon, tu peux faire du feu, tu peux tout faire. Moi, tu sais, je suis un aventurier. Mmh. J'ai déjà passé récemment des vacances en Amazonie, pardon, mmh. dans la forêt amazonienne. Mmh. Bon, vous arrêtez, s'il vous plaît, derrière, vous laissez parler, ouais, s'il vous plaît, merci. Donc, je peux te dire que, bon... La canette, tu t'écrases. Mon Dieu. Et donc, je peux te dire que si t'as envie de te faire cuire, bon, je sais pas, n'importe quel animal qui se trimballe dans le coin, tranquille, quoi. Du moment qu'il y a personne, je veux te dire, bon, le garde forestier, il y est jamais, donc... Pour finir, la canette, comme elle arrêtait pas de couper. La canette, s'il te plaît, merci. Oui, Gérard. Bah, moi, je suis pour le camping sauvage. Mais tu peux préciser ? Je suis contre l'absence de tout confort. Non, mais attends, je te demande de préciser. Gérard ? Bah, je te précise, je vois pas là. Est-ce que tu peux expliquer, toi, ce que c'est que le camping sauvage ? Voilà, ouais, mais attends, mais moi, comprennent bien les gens, parce que sinon... Non, mais moi, je voudrais bien qu'elle explique la fin de sa pensée, qu'elle réponde. Ouais, c'est du camping qui n'est pas domestique. Ouais, parce que c'est flou, hein, comme question. Voilà, parce qu'il y a, sur IRC, il y a Gérard Monsoif, il te demande si on peut faire du camping sauvage dans un camping. Non, déjà, le camping sauvage, c'est quoi ? Donc, c'est de camper sur les bords des routes. Ça, c'est strictement interdit, parce que déjà, pour commencer, il n'y a pas de cœur de forestier, ça, ça non, dépend. Mais tu dis pas ce qui est interdit, puisqu'on sait pas ce qu'on veut savoir, c'est savoir ce que c'est vraiment. Eh bien, le camping sauvage, c'est de planter sa tente n'importe où. Ça, tu n'y as pas le droit. Il y a des campings qui sont réservés pour ça. Donc tu n'as pas le droit de... Donc on a le droit de faire du camping sauvage dans un camping. Bah, c'est un camping qui sauvage. Est fait pour le sauvage. Mais oui. Non, dans un camping, dans un camping tu ne fais pas de camping sauvage, espèce d'abruti, il y en a trois des campings sauvages. Toi tu plantes bien n'importe quoi dans ta ville de naze. Il y a pas mal de campings sauvages à côté des gares. Mais ouais, t'as raison. Les gens qui campent au bord de la route, c'est quand même des charclos, quoi. Oui, mais ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui campent sur les aires de repos. C'est pas du camping sauvage. Alors, attention. Et toi, Gérard, tu campes à l'entrée des hôtels ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi ? Non, comme pas ça. Avec les clubs. Parce que si ça vous amuse... Ils rentrent pas avec les clubs, je te dis. Bon, je sens que tout à l'heure, ça va être clair, je vais virer tout le monde, parce que ça commence à m'énerver, cette histoire. Non, mais j'ai compris, en fait. T'as compris ? Non, mais toi, t'avais qu'à te taire, parce que c'est un peu à cause de ta faute, maintenant, ce qui se passe. Mais non, mais... Alors, si tu veux saccager les débats, tu arrêtes. Mais non. Ok, c'est la dernière fois que je te dis, d'accord ? Mais ça, tu vas pas me faire la saison comme ça. Non, mais ce que je voulais dire, j'ai compris la différence, c'est que le camping sauvage, c'est différent, c'est le contraire du camping moderne. Ouais, ouais, c'est ça. Alors continue à dire tes conneries, et si j'ai des emmerdes, tu vas prendre ma main dans ta gueule. Ok. Camping moderne, t'as même internet dans la forêt. Alors, okay. Pildas, t'éteins ton micro, je veux plus t'entendre de la soirée. Gérard. Vas-y, l'homme des bois. Gérard, il y a une question. Manu, tu réponds correctement, tu vires aussi ouais, avec Pildar. Je réponds pas, je te pose une question. Moi, je réponds pas, moi. On me demandait sur le Minitel quand tu t'étais dépucelé avec une pute dans les bois, tu faisais du camping sauvage. Alors ça, des questions comme ça, je ne réponds pas, d'accord ? Ok, d'accord. Non, c'était une pseudo de sauvage, ça. Qui c'est qui vient de dire ça ? C'était un sanglier. Qui vient de dire ça ? T'as gueulé le facochère. Hein. Bon, Pildar. Tu bosses correctement. Tiens ton stylo. Et Pildar, tu continues pas ta saison. Y'a rien. Fais gaffe parce que c'est celle-là que tu vas te prendre tout à l'heure. Alors regarde à toi. Donc sur IRC, on a Yankee qui dit à Fun, c'est pas du camping mais c'est bien sauvage quand même. Ouais bah avec un abruti comme lui, ça m'étonne pas de lui. Okay. Non mais lui il s'amuse à balancer l'hôtel où que j'habite maintenant. Or t'es très bien. Ouais non mais si. On va écouter la fille alors. On va voir ce que c'est déjà. On va se calmer les auditeurs, on va se calmer. Je suis à l'antenne. On va se calmer. Et où par rapport au rôle Carlo ? Ça n'a rien à voir, j'écoute, ça n'a rien à voir. C'est du camping à la NPE genre ? Comment ouais, c'est du camping à la NPE, si ça peut t'intéresser. Tu peux m'indiquer le chemin à partir du relais Carnot, s'il te plaît. Et tout à l'heure, je t'indiquais comment on retourne au standard, toi. Avec ton nom, d'accord. Allez, on reprend dans le calé. À droite. On y va. Avez-vous fait des rencontres durant les vacances? On va demander à Mouf de Mer. Ouais, alors j'ai fait plein de rencontres. Des gens super cons, parce que j'étais dans une ville de merde. Et voilà. Tu peux préciser ? Non, il a peut-être pas besoin de préciser, c'est-à-dire que t'es resté sur Paris. Disons que c'était pas ça, quoi. Ils étaient pas... ils étaient très cons, quoi. Bah, clairement. Ouais. Grosse tente, pardon. Bah oui, bien sûr que j'ai fait des rencontres. Le but des vacances, c'est quand même de tremper le biscuit. Donc j'ai chargé un maximum sur les rencontres. Donc ratissage des campings l'après-midi, la plage. Et puis restaurant le soir, boîte de nuit, tout ça, quoi. Je veux dire, comme il faut, quoi. J'ai fait les choses bien, quoi. D'accord. Cette année, je m'étais donné les moyens d'éclater des rondelles, quoi, tu vois. C'est clair. La canette. Oui. Tu te calmes, s'il te plaît. La canette, elle mouille. Ouais, non, mais. Tu dégoulines la canette. Fildar, fais bien gaffe. Petit short. Ouais, bah écoute, moi, ouais, j'ai fait excessivement de rencontres, c'est sûr, hein, sur le plan affectif, comme dirait Jean de Neubert. Comment il s'appelait? Alors je peux pas préciser les noms. Robert. Parce qu'il est... Ouais, mais faut pas dire. Je pense que vous avez... Non mais je pense que vous avez envie de faire foirer les débats ou quoi? Ouais, ouais, non, pas du tout. Si, parce que la semaine dernière ça s'était mieux passé, là je crois que cette semaine ça commence à être la merde. Raconte-nous ton idylle avec la pantouse de Croix. Tu sais ça? Tu sais qui vient de poser ça? Ah, c'est pas moi. Je peux pas balancer. Ah, c'est chaud, là. Hein. Je sens qu'il y en a un des trois mecs là qui va virer. Ça, je vais faire comme tout à l'heure au hasard. Hein. Gérard, pour calmer tout le monde, on me demande sur Minitel si toi, il t'est arrivé de faire des rencontres pendant tes vacances. Ouais. De toute manière, les rencontres, comme je suis pas parti en vacances, j'ai pas pu en faire, d'accord? T'es déjà parti en vacances. Je te parle pas de cette année. Je te parle non, mais, de... ouais, mais c'est vrai que. Dans toute ta vie, t'as bien fait des rencontres en vacances. De toute manière, t'en fais régulièrement, hein. Ton père, tous les ans, tu fais des rencontres hein, quand tu pars en vacances. Et t'as rencontré des gens intéressants? Disons, j'ai rencontré des gens, bon, on a discuté et tout. Et quelles ont été tes plus belles vacances, Gérard? Les plus belles vacances, c'est... Quand t'as rencontré l'huissier. Sur Sunset Beach. Alors, moufle de mer, sur Sunset Beach, je te dis au revoir. Et voilà, comme ça, c'est terminé pour toi. Salut. Et voilà, pour lui, c'est terminé, ça fait... Alors, 1, 2, 3, 4, c'est bien. T'as pas répondu tes plus belles vacances, Gérard? Moi, mes plus belles vacances, c'était dans un camping et c'est de là que j'ai rencontré du monde. Et on c'est un camping sauvage? Non, c'est un terrain de camping que je donnerais pas. Mais c'est quoi un camping sauvage? Bon, tes conneries, toi, tu commences à... C'est pas moi, c'est Manu. Ouais, non, mais ça commence à bien faire la question. Il y a longtemps qu'on l'a dépassé. À propos de rencontres, il y a Alligator sur IRC qui aimerait bien que tu nous parles de ta rencontre avec un bouc sauvage. J'y répondrai pas, comme ça, ça ira plus vite. Comme ça, il va être servi. Lui, sa question, il peut se la garder où que je pense. Et la canette pour terminer. Oui. Toi, Fildar, j'ai dit à Moufle de mer, au revoir. Hein. Eh ben, il est parti. Hein. Bah, c'est celui qui s'amuse encore à dire des trucs un peu cons, va dégager aussi, ouais. Ça va aller vite. Alors, la canette pour terminer. Oui, tout à fait, Gérard. C'est plus les campings, tu vois, sur le bord de la route, mais pas trop sauvage non plus, quoi. La canette, t'as envie de terminer le débat ou pas, toi? Non, pas pourquoi, tu me non, demandes ça? Non, t'as pas envie de terminer le débat, non. Non, je pense que t'as pas dû comprendre comme il faut la question. Mais je sais pas, tu m'as interrompu, et puis je sais plus ce que j'étais en train de te dire, c'est pour ça. Ah non, mais avez-vous fait des rencontres durant les vacances? Oui, bah oui, j'ai rencontré des amis qui m'ont présenté leurs amis, donc tu sais, ça fait les amis, des amis, des amis, et... À la fin, tu te rends compte que tu as rencontré plein de monde pendant les vacances, mais tu rentres tout seul chez toi, comme d'hab, quoi. Ouais, mais est-ce que vous avez gardé le contact après? Ah, le contact, formidable, ouais. Non, mais une fois que vous êtes rentré, est-ce que vous avez gardé le contact ou, oui, on a gardé le contact assez longtemps. Il vaut mieux éteindre la voiture, quand même. Ouais. Et oui. Mais oui. T'as mis le starter ou pas? Non. Ça n'a rien à voir avec les... Moi, ça part direct. Je te déboucherais bien le carbu, quand même. Grosse tente ou petit short? Ah non, c'est pas moi, j'ai un problème de gicleur, c'est pas pareil. Allez vous calmer, là. GG, il y a Tarkan qui me dit sur Minitel que, de toute façon, les rencontres en vacances, c'est kiss tout double. Ça peut pas être kiss, hein, d'accord? S'il fait illusion à ce que j'ai dans le cou, c'est même pas la peine. Ah non, je sais pas. Il va se faire foutre. Ouais. Oui, à la place de Moufle de mer que tu as viré, on accueille Crabe en rut du Mont-Saint-Michel. C'est il dangereux, est ça. Il est actuellement encore en vacances, donc il va pouvoir peut-être nous en parler. On va raccrocher au rocher. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux me donner la fréquence du Mont-Saint-Michel? Oui, c'est 90.2. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Grosse tente et petit short, Boubouk. Bon, Fildar. Oui, t'es payé pour calmer les gens le jeudi, non pour les laisser foutre leur merde. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. Alors, Crabe en rut, là, tu peux répondre à la question? Je l'ai pas entendu. Alors, avez-vous fait des rencontres durant les vacances? C'est la dernière fois que je les répète, Fildar. Je crois t'avoir dit quelque chose tout à l'heure. Faudrait peut-être écouter ce que je te dis. Oui, tu m'as dit de me la fermer jusqu'à la fin du débat. Non, quand tu prends des auditeurs, tu leur poses la question et qu'ils ne me la redemandent pas quand ils sont à l'antenne, parce que ça me prend la tête. J'ai rencontré des gens, moi, des Hollandais, qui avaient ramené du matos. Donc on s'est éclaté au Mont Saint-Michel, quoi. Et ça continue à ce soir. T'as fumé des galettes? Exact. D'accord. De toute manière, je pense qu'au Mont Saint-Michel, c'est là aussi, il y a quand même pas mal. Il y a de la bonne, hein. Il y a de la galette. Il y a quand même du monde qui vient durant les vacances, ouais, non? Disons qu'il faut courir vite parce que la marée, ça surprend. Ouais, mais ça, mais quand il y a, tiens, justement, on va essayer d'abréger vite fait. Par rapport à la montée, le Mont Saint-Michel, qu'est-ce que ça donne une fois que la marée monte? Ah bah c'est magnifique, hein. C'est là, il y a des algues, il y a du corail. Non mais par rapport à la marée, ça fait quoi exactement? Ça va très vite, hein. En fait, il faut courir très vite. Non, mais le Mont Saint-Michel, il est entouré avec l'eau ou... Il est noyé. Ah oui, mais à cause de la marée. Ouais, non, mais ça monte où, justement? Non, mais attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît. Ça monte très vite. C'est-à-dire, si tu cours pas assez vite, tu peux te noyer. Moi, j'ai failli perdre un pote comme ça, quoi. Il faut partir tôt le matin. Et il faut arriver là-bas vers midi, quoi. Parce que si tu pars vers 10h, t'es mort. D'accord. Non, GG. Oui. Ouais, c'est grosse tente. Tu demandais jusqu'où ça monte. Moi, je te dis, j'y étais, bon, pas cette année, mais l'année dernière. Et quand la marée est vraiment haute, t'es dans la ville et t'as de l'eau jusqu'à la taille, quoi. Exact. Mais et non, mais haute, je te... Parce que le Mont Saint-Michel, si je me trompe pas, normalement, c'est un site qu'on peut... Qu'on peut visiter, qui est magnifique, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Moi, je vous conseille la visite de la crypte du Mont Saint-Michel. Mm-hmm. C'est extraordinaire. Hein. D'accord. Ok. Oui, sur IRC, je sais plus qui me disait, qui voulait poser à l'auditeur du Mont Saint-Michel, à savoir comment on fait là-bas quand l'eau est monte, si on veut faire du camping sauvage. Ah ça c'est impossible, hein. Voilà. Il y a des tentes sur flotteurs qui existent. Ah non, c'est faux. Là, ça c'est un menteur, celui-là, c'est un mythomane. Non, mais de manière, c'est pas là. Bon, ça y est. Les grandes tentes, c'est un mythomane. Excuse-moi, GG, hein. Il raconte n'importe quoi depuis. Non, mais lui, je sens qu'il va pas terminer le débat. Mais justement, on va lui poser la question. Quel métier peut-on exercer pendant les vacances? Alors, grosse tente, tu réponds correctement, sinon tu dégages tout de suite, là. Ben, moi, je vais te répondre tout à fait correctement. On peut vendre des glaces sur la plage, tout à fait. On peut aussi avoir un petit travail dans un fast-food. On peut aussi surveiller des filles, si tu vois ce que je veux dire, que les compteurs sont bien relevés, quoi. Il y a des déguisements aussi, on vend des déguisements, genre des pattes factices ou des trucs. C'est qui ça? C'est Crabe en rude, là? Ouais, c'est mon pote. Ouais. Grosse tente, tu vas te calmer, tu vas continuer, et après on va s'amuser avec toi si tu continues. Il n'y a pas de problème. Faire tourner. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Bah, je sais pas, tu peux vendre des barrettes sur la plage. Ouais. Bon, allez, hop. Parce qu'il y a Attends, relaisse-moi le lui 5 minutes, vas-y. Ouais. Parle. Tu disais, les filles, souvent, elles ont besoin de s'attacher les cheveux pour aller... Ouais, c'est vrai, Gérard. Fildar, tu le laisses parce que je voulais écouter quelque chose. Faut que je le remette. Je voulais savoir quelque chose, justement, pour finir avant. Ouais. Allô? Permis? Manu! Qu'est-ce que tu veux savoir, vas-y. Eh, Manu! Je vais te dire ton avis. Ça fait deux fois que tu t'amuses à jouer durant la semaine, alors tu vas arrêter tes petites conneries aussi, toi. Tu cartonnes! On va te tirer le cul, vas-y, dis-moi, je vais te dire l'avenir, vas-y. Bon, alors, grosse tante, on va te tirer le cul. Tu peux retourner au standard, on te dit au revoir. Au revoir! Comme ça, tu peux aller plier ta tante, au revoir. On va te lécher l'arrêt au standard. Tu vas t'éclipser, direct. Et crabe en rude, alors, toi, maintenant. Ouais. Et maintenant qu'il est parti, c'est ce que je te disais, je suis tout à fait d'accord avec lui. On vend des glaces, du pop-corn, tout ce qui est fait pour consommer, en fait. D'accord. Petit short. Bah écoute, moi je pense que le métier de bookmaker, c'est assez... ce métier-là? Bah en fait, c'est que tu fais des livres, en fait. Tu vois, bookmaker, faiseur de livres. En fait, tu fabriques des livres sur la plage et puis tu t'éclates, quoi. D'accord. Et ça, c'est un métier? Bah ouais. Mais quel métier peut-on exercer pendant les vacances? Faut pas confondre aussi avec le mec bon qui parie sur qui va se noyer le premier ou qui c'est qui va se tirer la grosse. Enfin, voilà. Ouais, d'accord. Je crois que à mon avis, t'as pas dû comprendre bien le sens de la question. Ouais, je crois la canette. Ouais, bah tu peux faire du bateau, emmener les gens faire du bateau. Tu peux emmener les gens faire du ski nautique, tu sais, faire du parachute intentionnel. Tu peux faire plein de trucs. Hein. Ah ouais, t'emmènes des gens faire du parachute, toi. Du parachute intentionnel, ouais. Oui. Et... C'est quoi, Gérard? T'as qu'à lui demander, c'est quoi? Comme c'est elle qui répond. Donc, bah, c'est à toi qui l'a demandé, Gildar. Non, mais moi, je te pose la question, qu'est-ce que c'est? À ton avis, du parachute intentionnel. Hein. Alors, bah, explique. Bah, je sais pas, ça me paraît évident. Ouais, d'accord. Ouais, bah, dis donc. Bah, tu pars, t'as un parachute, tu pars de la plage, il y a un bateau qui tire et tu montes. Ah, donc, ça s'appelle un genre de... Le parachute intentionnel. Ouais, c'est ce qu'il a fait, John Kennedy. Ouais, c'est ça. J'en connais tout à l'heure qui vont dégager parce que ça commence à bien faire en ce moment. Gérard. Là, depuis le début des débats, il y en a déjà 4 de partis, 5, et bientôt, ça va peut-être percer si ça continue. Gérard, à propos de job pendant les vacances, il y a Père Fouras, il dit que l'été prochain, il aimerait bien faire comme son père. Parce que son père, pendant les vacances, vu qu'il est huissier, il s'est éclaté. Il paraît qu'il a viré un couple de soulards du 9-2, qui sentait pas bon et qui faisait trop de bruit. Et plus tard, lui, il veut faire pareil pour ses vacances. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, il va se faire foutre, j'y répondrai pas à sa question, ça va plus vite. Père Fouras, il est pas huissier l'été, il son est père. Dans un fort. Bon, En parlant de Père Fouras, c'est sûr que moi j'irais bien faire un tour au Fort Boyard. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Gérard, de partir en vacances à Fort Boyard? J'ai entendu que Sandrine Dominguez cherchait la bite, donc voilà. Oh là, non, je pense pas. Elle cherche la bite, c'est une cochonne. Hein. Oh, on se calme, s'il vous plaît. Je pense que pas. Le joueur de tennis, il l'a largué. Je me ferais bien décocher la plexidre. Tu te ferais bien la boule, hein. Oh, le Larsen, s'il vous plaît. On passe toutout. Bon, qui c'est qu'on raccueille là? Voilà, justement, j'attendais que tu me donnes la parole. Merci Gérard, t'es quand même super. Bon, vas-y. À la place de Moufle de Mer. Non, c'est pas. À la place de Moufle de Mer, on a Crabe en route du Mont-Saint-Michel. Ah oui. Donc c'est à la place de Grosse Tente. Grosse Tente, oui. On accueille Tongue d'Hiver. Tongue d'Hiver, bonsoir à toi. Allô, oui, bonsoir. Ouais, bonsoir salut. Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Toulon. Voilà. 84.7. Bonsoir, Tongue d'Hiver. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Donc, j'espère. On t'a dit la question. Oui, non, oui, oui. Oh, menteur. Quel menteur. Bah, je la répète pas. Ah, bah c'est con, je passerai à la prochaine alors. Hein? Bah, c'est pas grave, je répondrai à la prochaine. Mais non, c'est. Quel genre de travail peut-on faire pendant l'été? Pendant les vacances. Ah bah moi j'ai fait un travail cette année, c'est que j'étais sauveteur en mer. Donc avec mon pote Mitch. Les vacances. Ah bah moi j'ai fait un travail cette année, c'est que j'étais sauveteur en mer. Donc avec mon pote Mitch. Sur les plages de la Côte d'Azur, c'est mortel. Mortel, terrible. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est. C'est toi le quiz. C'est éprouvant comme boulot. C'est ça. Faut être bien entraîné sportivement. Non, c'est l'homme de la sentie, lui. La canette. Oui. Tu te calmes. Oui. D'accord. Alors, peut-on emmener sa télévision pendant les vacances ou autre appareil... C'est-à-dire, explique, Gérard. Explique ta question. Alors, ou autre appareil ménager, c'est-à-dire son frigo, son frigo de vacances, pas son frigo d'appartement. Mm-hmm. Donc... Oh là là là là là là, les Larsène. Gérard sur IRC, il te demande si t'es déjà parti avec un frigo d'appartement en vacances. C'est pas des frigos d'appartement. Déjà, c'est... il en a pas de frigo, alors. C'est des petits frigos. C'est pas le sien. Et il y a même des glacières pour partir en vacances. Ça peut qu'on. Est-ce que t'as emmené déjà ta plaque vitro-céramique dont tu Et ta connerie, Et ta soeur, tu l'as emmené en vacances, espèce de connard, tu retires tes pieds, tu fais ton boulot maintenant. Et t'éteins ton micro. En de bon entendeur, salut Pildar. Ça fait la cinquième. Et ton même pas de poil à ton kyste. Alors la canette. Et ton kyste, tu l'as. Ta gueule, toi, celui-là. La canette. Parce que ça doit être lourd à amener en vacances, quand même. Un gros alors, kyste comme ça. Petit short, au revoir. Petit short, bonne nuit. Petit short. Allez. Hop. Terminé pour lui. Alors la canette. Oui, Gérard. Bah, moi, j'emmène pas ma télé parce que ça sert à rien vu qu'il n'y a pas le Big Bill pendant les vacances. Ouais. Par contre, j'emmène tout ce qui est appareil à pile pour compenser ce manque. C'est-à-dire poste de radio, Wattman... Vibro, voilà. God Michel, tout ça. God Michel à clous, tout ça. Si vous avez pas envie de répondre aux questions... Bah, je réponds tout à fait sérieusement, alors voilà. Non, mais c'est ceux qui s'amusent à répondre des conneries, comme Tombe d'hiver ou l'autre, non, là. Non, mais c'est pas la peine d'écouter ce qu'ils disent, parce que c'est des conneries, d'accord? C'est pas des conneries, je pense. Non, bien sûr, c'est pas des conneries. Tu te foutrais pas de ma gueule? Ah non, pas du tout, je me permets. Non, tu préfères prendre le train, parce que ça coûte moins cher, c'est ouais. ça Tu cartonnes. Je m'en doutais. Tombe d'hiver. Oui. Bah moi, je t'ai déjà répondu. Non, c'était pas toi que je m'adressais, déjà, pour commencer. Ah, d'accord. Alors, à toi. Est-ce que t'emmènes ta télé ou autre? Tombe d'hiver. Oui. Je te préviens. Oui. C'est la dernière fois qu'on te répète la question parce que tu m'énerves. C'est la question, mais je croyais que tu t'adressais à quelqu'un d'autre. C'est bon, non, ça. Mais c'est à toi maintenant que je m'adresse. Alors, t'évites de perdre trop de blanc. Oui, donc j'amène rien du tout. En général, je loue sur place une télévision ou quelque chose comme ça. Et tu crois que là où t'es en vacances, tu peux avoir le moyen de regarder la télé? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Alors tu peux me préciser? Quand j'ai assez d'argent, je loue une télé. Quand j'en ai pas assez, j'en loue pas. Et je l'amène pas non plus. D'accord. Parce que c'est trop encombrant. Crabe en rut. qui c'est qui s'amuse avec un téléphone là? Ah, je sais pas. C'est pas moi. Non, mais c'est moi, mais je sais pas, il y a un problème avec mon standard. Non, mais t'éteins ton micro si on n'a pas besoin d'entendre... Pardon. C'est non mais oh, tu bosses comme il faut ou quoi là? J'étais en train de chercher les auditeurs et ça a sonné. Gérard? Bon, excuse-moi Rigaud, deux secondes, je vous donne... Non, mais il y a Rigaud en priorité, toi tu éteins ton micro et c'est tout. Non, la priorité c'est l'auditeur. Non, c'est vrai, on va... Alors vas-y. Alors excuse-moi, à la place de celui que t'as viré là, qui s'appelait... Petit Short, voilà, on accueille Stommy Buggy. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Stommy Buggy, j'appelle de la Dune du Pilate. Salut Stommy. 103.3, j'ai 29 ans. Bonsoir. Alors, Rigo, ouais. Question IRC. Oui, donc on est monté quand même, apparemment les vacances ça intéresse tout le monde, on est monté à 9004. Oh, Manu, tu laisses Rigo parler s'il te plaît. D'accord. Ah, un petit problème. Et donc il y a Destroy qui te demande comment tu fais si tu veux emmener ta télé par exemple à l'étranger, vu que c'est pas forcément les mêmes prises. Ouais. Non mais déjà pour dire qu'à l'étranger, selon là où tu pars, en principe si c'est en location, tu peux pas parce que t'as pas de moyens pour les brancher. Tu peux me redire combien qu'on était parce que comme Manu t'a coupé, j'ai pas trop compris. On était 9704. Ok. Et Manu, c'est la dernière fois que tu t'amuses à couper les... Et puis moi aussi, d'accord, tu arrêtes. Okay. Parce que tout à l'heure, c'est le paquet de bonbons que tu vas te prendre dans la tête aussi. Et ça va te faire tout drôle là. C'est de la bombe. Crabe en rut, donc pour toi. Merci Manu. C'est bien ce soir Manu. Ce soir Manu a l'intention de faire chier son monde. Gildard, c'est pareil. C'est faux, c'est alors, faux. Alors pour l'instant, il y en a qu'un qui arrive à bosser. Ouais, on sait, c'est Rigo. Apolline. Non, c'est Rigo. Ah bon. Mais Apolline, t'emmerdes. La canette. Tu la revois en scred. Au revoir. Tu la revois en scred. La canette. Oh, le vilain bad boy. La canette, au revoir, ça y apprendra à dire... Non, parce que ça t'apprendra à dire des conneries. Tu es encore un peu ou pas? Toi, c'est pareil, faites gaffe à ce que vous dites. C'est clair. Et alors, crabe en route. Ouais, donc en route, pardon. En autoroute. Crabe en route. Moi, je ramène pas de télé, j'ai autre chose à faire de mieux. Ouais. D'accord. Bah, dis donc, toi, tu réponds vachement bien aux questions. Bah, attends, mais tu poses une question sur la télé. Moi, je ramène pas la télé. Peut-on emmener sa télévision pendant les vacances ou autre? C'est-à-dire, si tu t'emmènes pas ta télé, t'emmènes quoi alors? J'emmène rien, j'emmène des capotes. Cherche pas Gérard, il t'a bluffé. Ouais, mais c'est ce que je vois. Tony Bugsy, là. Non, Tony. J'y ai cru un moment. Écoute, non, moi pas de télé, parce que la télé, ça a une toxique. Donc, moi, je suis plutôt sinoche. Mm-hmm. Plutôt sinoche. D'accord, mais t'emmènes aucun appareil... T'emmènes pas ton écran de cinéma avec toi? Non, je prends un peu de caillasse pour aller au cinoche, quoi. Ouais, non, mais tu... Tu pars pas, donc t'emmènes même pas de poste de radio ni rien du tout. Non, que dalle. Bon, j'ai 3000 watts dans la voiture, si je veux écouter du son, c'est bon. Ouais, d'accord, mais c'est pas évident, 3000 watts jusqu'à 2h du matin, hein. Bon, on s'arrange avec les voisins. Ça y est. C'est la teuf. S'il vous plaît, merci. Avez-vous pris des vacances pendant les vacances? Avez-vous pris des photos pendant les vacances? Avez-vous pris des photos pendant les vacances? Ok, on a compris. Avec la rude, j'en ai pris, moi. J'en ai pris sur la plage. Ouais, mais on voit mal Sandy, ouais. Ouais, bon, alors, crabe en rut. Mais c'est pas moi, hein. C'est comment il s'appelle l'autre, là? Stomy Bugsy. Ah, pas du tout, non. Non, non. Gérard, oui. Je suis là, wesh wesh, tranquille. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Gérard. Gérard. Je te veux, oui, tout à l'heure. À la place de... qui on a viré là? La canette. Alors, à la place de la canette, on accueille la grosse touffe qui est à la grosse, à la grande motte. Bien bonsoir. Bonsoir la grosse touffe. Oui, bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. Bonsoir l'équipe. Ta fréquence, s'il te plaît. Salut. C'est le 115.8. Le CSA a ouvert les fréquences, oui. Alors, avez-vous pris des photos pendant les vacances? On m'a demandé à Stony machin chouette là. Stony Buggy. Bah écoute, oui, moi j'ai fait, je me suis serré de nombreuses gonzesses. Ouais. Donc, chez qui dit gonzesse dit forcément photo. Non mais voire, je te demande, est-ce que t'as pris même... des photos? On n'en a rien appris d'un foot des... Écoute-moi, je te dis photo, voire même film vidéo. Sans donc que bien évidemment que j'ai continué à compléter la collection, bien sûr. Bon, c'est ça, grosse touffe. Bah moi j'ai réussi à mettre la main sur un gros zoom, donc j'ai pris plein de photos en fait. Mmh. Viens voir, moi j'ai un grand angle, tu vas voir. Tombe d'hiver. Quand tu veux. Ouais, alors moi j'ai pas pris de photos puisque je n'ai pas d'appareil, donc comme ça c'est réglé. Il y a un téléobjectif de photos. Trabant rude. Ouais, non, ouais, non, j'ai pris des photos moi de la plage là. C'est pas moi. En fait, parce que je voulais pas envoyer des cartes postales, donc j'ai envoyé les photos, j'ai écrit derrière. D'accord. C'est mortel ça. Je suis un Je pense qu'à mon avis, pendant les vacances, il y a des belles photos à prendre, surtout si on est du côté du Mont-Saint-Michel ou autre. Ouais. Dernière question, les animaux sont-ils autorisés dans les centres de vacances Trabant-Rut. Ouais, les animaux. Oui. Ça dépend desquels. Ouais. Alors, précise. Alors, je pense que les chiens, les chats, tout ça, ça ils prennent, mais si t'as des animaux dangereux, de genre des migales, des serpents... Si c'est des chiens mystères, c'est chaud, quand même. Ça, tu peux pas les laisser. Tombe d'hiver, au revoir. C'est pas moi, Gérard, c'est l'autre, c'est pas moi, Gérard. Tombe d'hiver. Gérard, c'est pas moi. Tu dis... Mais c'est pas moi, Gérard. Fildar. Tu dis au revoir à Tombe d'hiver. À qui? À Tombe d'hiver. Tombe d'hiver, ok. Mais voilà. Bonsoir, Tombe d'hiver. Comme ça ira plus vite. Allez, bien. Hop, c'est géré. Et grosse touffe. Crabe en route, t'as répondu, hein? Ouais, exact. Grosse touffe. Oui, Gérard. Alors moi, j'ai eu l'occasion de partir avec dans un camping avec mon canari. C'était très bien. C'est-à-dire, c'est... Ah ouais, un oiseau? Oui. D'accord. Stony Bugney, là. Ouais, Stony Bugney. Ben écoute, moi je pense qu'il y a des endroits où ça pose quand même des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau de l'hygiène, si t'arrives à saisir l'essence de ce mot, quoi. Et tu nous as pas dit, toi, que ça faisait de nombreuses années que t'étais pas parti en vacances, Gégé? Je t'ai pas demandé si ta sœur faisait du vélo, je te demande de répondre. Tu peux lui répondre, il t'a rien dit de méchant, Gérard. De zoophilie évidente, quand même. Je te demande de répondre à la question, je te demande pas si je suis parti en vacances ou pas cette année. Non, mais c'était pour savoir si toi, tu avais des animaux, si c'était ça qui t'avait posé problème. Jusqu'à maintenant, j'ai pas d'animal, donc je peux pas partir, j'ai pas eu l'occasion de partir. Et bah voilà, tu vois. Non, mais réponds à la question, là, auditeur, là. On arrive à s'arranger, quand même, entre nous. Elle fait du vélo, ta sœur, ou pas? Ouais, ça lui arrive. Bon, ça y est, oh. Du bois de Rambouillet là-bas. D'accord, à côté du bois de Rambouillet, c'est ça, t'as raison. Alors que t'habites dans. Mais ma sœur habite pas avec moi, c'est tout. Bon, s'il vous plaît, merci. Avant la conclusion du débat. Oh, ça y est, vous vous calmez. Avant la conclusion du débat, on va voir s'il y a d'autres questions sur l'IRC. Rigo. Rigo. Ouais. Ray, Rigo. Oh, ça y est, j'ai dit merci. Jingle. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Tu veux pas faire un petit sondage plutôt? Parce que là, vu l'heure, ce serait bien qu'on arrive à la conclusion et tout. Qu'aimez-vous trouver pendant vos grandes vacances? Donc, 47% des gens veulent du QQQ. Ouais, ben ça, c'est, je m'en serais douté. 26% des gens recherchent des beaux couchers de soleil le matin. C'est plutôt la nuit que le matin. Et 13% des gens adorent trouver des cailloux gris, voilà. Et donc, le dernier sondage, vous sentez-vous mieux après vos grandes vacances? Alors, 64% des pompiers interrogés sont plutôt contents, bah c'est normal. 31% des animateurs ne partent jamais en vacances et finissent mal, ça m'étonnerait. Et 11% des obèses interrogés n'ont pas compris la question, et sur les obèses, aussi. Et voilà, donc avant la conclusion, on va faire conclusion de l'IRC. Oui, oui. Donc on trace là. Ah ok, d'accord. Qu'on a alors spioté, il y a Davy One et son cocktail qui rajoute juste un petit sondage auprès des filles qui vendent des glaces sur la plage. Dans quel pays des dom-toms préféreriez-vous partir? Elles ont répondu 15% en Belgique, 25% à Suresnes et les cornetto à la fraise, c'est 2 euros. Ouais, puis sa conclusion, ça veut dire que mon débat n'aura ni queue ni tête. On a compris tout de suite, c'est même plus la peine de... Ah, il a séché l'histoire. Si, mais de toute manière, tu me diras le nombre de connectés qu'on a juste après. Okay, Tony Bucnini pour la conclusion. Bah, écoute, Tony Bucnini pour la conclusion, bon débat. Ouais. Le débat était bien, t'as bien cerné un petit peu tous les aspects de la question. Je trouve que c'est dommage quand même que t'aies pas pu, vu que tu pars pas en vacances, nous en dire plus sur ton cas. C'est vrai que t'es un peu le club merde à la maison quand même. Et voilà, je pense que le débat s'est bien passé. On a quand même senti que t'as souffert des colonies de vacances que t'as dû faire, je sais pas, à Fresnes ou à Fleury quand t'étais gosse. Mais bon, ça a été quand même, quoi. D'accord. Voilà. Salut à toi. Ah, donc. Bonne soirée, ouais. Ciao. Grosse touffe. Oui. Eh bien, pour moi, c'était un très bon débat. Enfin, le peu que j'ai participé, je suis désolée. La grosse mode, c'est éclatant pour se faire éclater la touffe, par exemple. C'est la grande mode. Je conseille les vacances. Et moi, je trouve que tu dois être pété de thunes parce que, bon, les vacances à l'hôtel, je crois que t'abuses. Qui c'est qui t'a parlé que j'étais à l'hôtel? Ah, mais tout le monde le sait, Gérard. Je le sais, Claude. C'est toi que tu l'as dit que c'était à l'hôtel. C'est un char clos, c'est pas de notre faute. Hein. Alors, grosse soupe, je t'emmerde, d'accord? Et moi, je te chie dans le bec. Eh ben, moi, je t'emmerde et je te dirai pas au revoir. Voilà, crabe en route. Ouais, je voulais juste te dire que pour moi, les vacances, c'est quand tu fermes ta gueule. Eh ben, moi, je t'emmerde aussi, au revoir. Et apparemment, celui-là, c'est un habituel. Déjà, pour commencer, j'ai reconnu vaguement la voix. Donc, conclusion du débat. Fildar, t'as foutu ta merde comme d'habitude. La semaine dernière, t'avais fait du bon boulot, mais c'était. Non, là, Gérard, cette semaine... tu fais une conclusion sur le travail pendant Gérard, le débat. Tu fais pas une conclusion sur le débat, là. J'avais une petite conclusion Minitel. Il y a, je crois que c'est Tarkan qui me dit « Tu fermes ta gueule et nique ton oncle !» Et toi, tu vois, t'es un peu trop con parce que c'est de dire des messages qui sont cons comme tes pieds. Ok, d'accord. Voilà. Et donc... sinon, je voulais dire à Stream que je la rappelle dès que j'arrive au standard. Merci. C'est ça. Voilà. Tes messages personnels, tu iras te faire foutre parce c'est que c'est pour le débat, Gérard. Ah bon, ok. Et donc, la conclusion du débat. Conclusion standard. Quoi? Toi, ta conclusion, c'est toi qui as foutu ta merde, alors je te demande pas ta conclusion. Standard, donc, ça s'est bien passé. Hein. Eh, c'est bien beau, là, mais si vous ne m'annoncez pas, vous me balancez pas les... Ah, mais oui, c'est vrai. Les disques avant de passer sur le deuxième. Pardon, mon bébé. Alors, on va s'écouter Le Pêcheur Henri avec J'arrête l'eau sale, j'ai la l'eau salée. J'arrête l'eau salée, j'ai la rotule qui rouille. Et le deuxième, ça sera le petit baigneur des égouts avec passe-moi de l'huile. J'ai le derrière en feu et le deuxième débat va porter sur la vie des couples. Là, tout de suite sur Fun Radio.